Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Web Entreprise A à Z, le podcast qui vous accompagne de la création à votre succès avec deux consultants qui accompagnent des entreprises. Moi c'est Vincent, consultant pour les auto-entrepreneurs. Et moi c'est Alexandre, consultant pour les entreprises qui souhaitent développer leur chiffre d'affaires grâce à une meilleure communication. Au programme de ce podcast, on va déjà voir un petit débrief de l'actualité et on va plutôt s'attarder sur le RSI. Puis après, nous verrons c'est quoi le statut auto-entrepreneur. On vous présentera les avantages et les inconvénients. Et après, nous verrons pour les sociétés et plus particulièrement les SARL parce qu'on connaît bien ce statut étant donné que nous, on est déjà en SARL. Et enfin, on vous donnera notre avis personnel sur quel statut choisir, quel est le mieux selon nous. Et nous verrons après des bons plans ou on vous conseillera un logiciel. Des petits conseils, Petits conseils d'entrepreneurs pour que vous puissiez vraiment créer votre entreprise de manière simple avec de bons SAV, des bons supports, des personnes qui pourront vraiment bien vous aider. Et vraiment aller rapidement si vous n'aimez pas tout ce qui est administratif. Et avant de parler de tout ce que j'ai dit, on va vous dire pourquoi on fait ce podcast en quelques minutes, pourquoi on a décidé de se lancer. On écoute pas mal de podcasts et on n'a jamais vu un podcast qui parlait de gestion d'entreprise. Il y a beaucoup de podcasts qui parlent de marketing. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de podcasts qui parlent de tout ce qui est gestion, les dessous, comment créer son entreprise, quels conseils, quel statut on conseillerait aux gens. Et c'est pour ça que nous, on a envie de t'aider. Tu vois, c'est totalement gratuit. On va donner des conseils totalement gratuits. On n'attend pas spécialement de retour de ta part. Mais voilà, c'est pour t'aider parce que nous, on aurait aimé avoir un podcast comme ça. On attend quand même des retours de ta part pour que tu puisses déjà nous dire si ça te plaît, si ça t'aide vraiment et puis si vraiment ça te permet de te guider de la meilleure façon. Donc, on attend juste un retour comme ça de ta part. Que tu nous mettes un petit like sur le podcast, ça nous aidera aussi à développer le podcast et à aider d'autres personnes. Ouais, surtout que nous on est beaucoup avec, moi je travaille avec les auto-entrepreneurs et puis Alex travaille avec les grandes, plus grosses sociétés, les plus grosses entreprises sur leur communication et moi sur les auto-entrepreneurs, donc on voit beaucoup et moi notamment sur YouTube, étant donné que j'ai une chaîne YouTube, je vois notamment que le RSI est vraiment une question qui s'est posée par beaucoup d'auto-entrepreneurs et c'est pour ça qu'on va aborder ces questions-là de gestion administrative où on voit vraiment que les gens sont un peu perdus parce que nous on a eu de la chance un peu dans notre début d'avoir déjà des compétences dedans étant donné qu'on a fait des études qui nous ont permis d'avoir les quelques bases et ça nous a bien aidé. Voilà, et c'est vrai que certains commencent des études dans la comptabilité déjà pour vraiment te situer un petit peu plus. Donc déjà, on a quand même les bonnes bases pour vraiment créer une société, bien la gérer, tout le côté administratif et comptable, ça on connaît, c'est notre dada, on a été dedans pendant plus de 3 ans, donc de ce côté-là, je pense qu'on est vraiment bien calé. Voilà. Voilà, bon, je pense que j'ai à peu près présenté le pourquoi de ce podcast. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, si tu as d'autres choses à rajouter. C'était clair. C'est parfait. Donc, du coup, on va commencer par petite news entrepreneuriale. Je pense que tu n'as pas dû le manquer que le RSI va être supprimé dès le 1er janvier 2018. Et on voulait revenir dessus. Oui. Alors, moi je sais, je suis partagé sur est-ce que ça va être mieux ou pas, et notamment. C'est à voir. Je pense qu'il y a des dessous. Je pense que effectivement, ça peut, avoir aucune conséquence puisque avec le régime de la sécurité sociale, on va dire général, concrètement, tout ce qui est, on va dire cotisation pour ta retraite, etc., ça revient presque. Un taux similaire au RSI. Donc, est-ce que ça va être plutôt avantageux ou pas? C'est la question. On attend toujours des informations qui se font attendre. Il y a un suspense insoutenable de ce côté-là. Donc, est-ce que la suppression du RSI va être avantageux pour les entrepreneurs et surtout toi qui dois être certainement auto-entrepreneur ou qui souhaite te lancer? Donc, le RSI, est-ce que ça va être vraiment supprimer, j'ai vu avantageux. J'ai vu en préparant le podcast, j'ai vu un rapport de la Cour des comptes qui montrait que c'était vraiment une catastrophe industrielle. Ils appellent ça comme ça. J'ai pas inventé le mot. Et parce que il est quand même assez difficile d'avoir un suivi, d'avoir quelqu'un au bout du téléphone, d'arriver à s'inscrire, d'obtenir des prestations. Et apparemment, ça a mis quand même dans la merde énormément de monde parce que ils mettent beaucoup de temps à rembourser, étant donné qu'en société, mais on va revenir plus tard, on doit des forfaits dès les premières années et ça coûte très cher. Et après, il y a un ajustement et donc ils vont vous rembourser. Mais ce remboursement, voilà, il peine à arriver, c'est très très lent. Et est-ce que c'est pas non plus un déguisement? Tu vois, est-ce que la mesure de passer en régime général serait pas un déguisement parce que ça va être le même. Forcément que le RSI, on va avoir les mêmes interlocuteurs, mais sauf qu'ils n'auront plus le mot RSI, mais le mot régime général, quoi. Ah, Enfin, ça va être le pas régime sûr. général. Et puis pour revenir un petit peu sur ce que tu disais sur le remboursement en fait des forfaits sur les en fait c'est les 2 premières années où tu as un forfait parce qu'en fait tu peux pas t'as pas un bilan prévisionnel où tu peux effectivement faire un bilan prévisionnel mais ça tout dépend de ton souhait et de tes résultats mais si tu démarres en fait tes 2 premières années concrètement t'as un forfait et la première année c'est un forfait qui est d'environ 2000 euros et la deuxième année c'est 2 voire 3 fois plus cher donc voilà et après en fait à partir de la troisième année, tu te fais rembourser. Donc en fait, tu l'as dans le baba pendant 2 ans et en fait, tu te fais rembourser au bout de la troisième année. Donc là, nous, c'est ce qu'on est en train de connaître. On a eu nos petites cotisations. Donc ça, on est bien content. Et donc voilà. Ouais, de toute façon, on va parler un peu plus en détail après. Juste pour faire un dessus, si tu veux quelques précisions, les caisses du RSI vont passer donc sur la sécurité sociale, comme on te l'a dit. Et donc, il va avoir des dispassements sur l'URSSAF, sur la CPAM ou sur la CARCAT, donc ce qui est pour les retraites. Après, les professions libérales, ils sont pas dépendants du RSI, donc, enfin, juste pour les assurances maladie. Donc, du coup, ça n'a pas changé grand-chose pour eux. Mais voilà, il va avoir quelques modifications. Je pense peut-être que ça va simplifier au niveau administratif, mais je crains que ça soit pas. Enfin, les auto-entrepreneurs attendent plutôt, même ceux en société attendent plutôt des réductions des cotisations que vraiment un changement Mais en fait, de je pense que régime. le taux en lui-même ne changera pas, c'est juste des Non. facilitations au niveau administratif, ça sera plus rapide, les remboursements seront plus rapides, la communication sera plus rapide. Donc Parce qu'il voilà, faut ouais. savoir, j'ai trouvé aussi que le RSI rembourse mieux que le régime général. Donc ça, c'est a priori. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de tester le RSI parce que je me suis encore jamais tombé malade. Mais a priori, ça se rembourse quand même mieux. En même temps, vu le prix qu'on paye, heureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà. Donc c'est pour ça que bon, il y a des avantages, des inconvénients. Vous voyez, c'est pas tout noir, tout blanc. Chacun a son avis. On verra bien, j'ai envie de dire, ça va prendre à mon avis du temps. Dès le 1er janvier, ça va pas non plus changer énormément de choses. Voilà. On verra bien. Suspense. Et on fera peut-être un podcast un peu en 2018 pour voir un peu si ça a vraiment changé quelque chose ou pas. Voilà, donc dis-nous en commentaire si ça t'intéresse de savoir si en 2018 le RSI est supprimé, si ça a des avantages ou pas. N'hésite pas à nous mettre des commentaires, hein, on est assez friands de ça, on aime bien savoir et connaître ton avis, donc n'hésite surtout pas à nous faire des commentaires. Alors. Passons au prochain, donc au prochain point. Donc c'est quoi le statut auto-entrepreneur? On va parler un peu de l'auto-entreprise. Est-ce que c'est un bon ou pas régime? Ça a été créé donc en 2008 pour vraiment faciliter les gens à se lancer. On dit que vraiment c'est bien quand tu veux tester un projet, mais on va peut-être démonter un peu cette idée dans ce podcast. C'est pas si bien. Tout dépend de ton activité et tout dépend de ce que tu fais. Voilà. Donc voilà. On va présenter un peu les avantages et les inconvénients de ça. Donc comme tu auras compris, le RSI, enfin tu bénéficies d'un régime simplifié et donc au niveau des cotisations du RSI, tu vas payer beaucoup beaucoup moins de cotisations. Parce que c'est sur ton revenu. En fait, c'est sur ton chiffre d'affaires. Donc voilà, pourquoi tu peux payer peut-être moins que d'autres. Ouais, ça varie entre 13 et 22%. Et quand tu es en société, on est plutôt sur du 47%. Il y a même, j'ai trouvé, j'ai été choqué de ce chiffre-là, mais c'est un, comment on appelle ça, un comptable, un expert comptable qui disait qu'un président de SAS pouvait avoir des cotisations qui montaient à 75%. Donc C'est quand même autant assez dire que tu ne exceptionnel. gagnes absolument rien. Tu te verses un salaire pour en fait rembourser les trois quarts. Ce qui est juste incroyable. C'est vrai que ça peut refroidir, c'est pour ça que beaucoup prennent le RSI, enfin le statut d'entrepreneur, pour justement payer moins de cotisations. Est-ce que Mais ça bon, a un réel après. avantage ou pas? Ça, on va te le dire justement un petit peu plus tard. Ouais, on va te le dire après et je vais contrebalancer un peu certaines choses. Après, tu as d'autres. Donc, régime simplifié est égal aussi au niveau des impôts, donc la cotisation foncière des entreprises. Alors, ça. Je mets des guillemets parce qu'a priori en 2018, le gouvernement veut supprimer cet impôt pour les auto-entrepreneurs, j'ai trouvé. Je ne sais pas si ça va vraiment être fait. Il faut attendre que le budget soit fini, soit acté par la Cour des comptes. Normalement, les mesures devraient arriver fin de l'année, peut-être novembre, décembre. Mais pour l'instant, tu payes cette cotisation. Alors, pas la première année. Mais si tu fais pas de revenus, tu n'en payes pas. Mais pour donner une ordre d'idée, ça va te coûter entre 214 et 2400 euros et c'est un peu comme une taxe foncière. En fait, c'est des impôts locaux qui sont payés à la ville pour habiter dans la ville. Mais ce qu'il faut savoir, c'est même quand tu es web entrepreneur, ce qui nous a un peu choqué, on doit le dire, parce que nous, quand on a reçu la cotisation, c'est vrai que nous, on travaille chez nous et on n'a pas de locaux spécialement dédié à notre activité. On pourrait très bien travailler dans un espace de coworking ou dans un autre pays, je sais pas. Non, Enfin, mais nous en fait, ça on est en paraît activité, totalement. on est totalement libre, on n'a pas de locaux. Enfin, comme Vincent te le disait, il n'y a absolument rien qui nous rattache à un lieu précis. Mais ce qu'il y a, c'est que Vincent, vas-y, dis-le, c'était juste extraordinaire quand même ce papier. Bah, ce papier-là, il mettait, est-ce que vous avez des mètres carrés? Ah oui. Sur combien de mètres carrés vous travaillez? Voilà, donc Alors, franchement, est-ce est-ce que tu que. mets le mètre carré de la table? Qu'est-ce que tu comptes? Donc du C'est ou coup, l'ordi, je sais pas. Enfin, c'est affolant. Moi, c'est ça quand même me. incroyable, alors qu'on a quand même précisé le fait que on avait une activité où on vendait des produits numériques, où on vendait des prestations de services, etc. Sauf que on nous demande quand même si on a des locaux, etc. Bon, ce qui est quand même. Ce qui est quand même une question légitime, hein. Ça, on va pas critiquer ça. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on a déjà tout précisé, c'est quand même assez bizarre de devoir être imposé encore plus sur le lieu où est-ce que tu exerces, quoi. Donc, on a été impressionné et plutôt choqué de ce papier-là. Donc, on a remis une petite couche avec des précisions. Donc voilà. Bah, moi, je pense que c'est en fait la France ne reconnaît pas encore ce statut de nomade digital. Enfin, voilà, du monde, de quelqu'un qui peut travailler n'importe où dans le monde. C'est pas encore reconnu. Voilà, c'est un tout nouveau métier, c'est tout nouveau et il y a encore du mal. Enfin, imaginons que tu te lances en freelance. Beaucoup de freelance n'arrivent pas à savoir quoi mettre dans les statuts d'une société, qu'est-ce que je fais dans ma vie, enfin, le code NAF, il n'y a rien qui correspond réellement à freelance. Ouais, Donc parce ça que montre bien qu'on après, a voilà, que. ce cas, c'est que voilà, le gouvernement, tout ce qui est aussi administratif, choisir son code NAF, choisir son activité, c'est assez complexe. Et donc, du coup, c'est un peu l'objet de ce podcast. Et nous, par exemple, on s'est posé tout un tas de questions. Maintenant qu'on connaît un peu le milieu, on a envie vraiment de t'aider justement à créer ton entreprise et aussi à faire en sorte qu'elle tienne debout année après année, quoi. Et ce qui est bien dans une auto-entreprise, ce qui fait partie de l'avantage, c'est que justement, tu peux changer facilement d'activité. Y a pas, c'est pas aussi compliqué dans une société où on va en parler tout à l'heure, mais voilà, dans une société, tu es obligé de faire un changement de statut et c'est pas mal de sous à débourser, quoi. Donc si tu prends pas assez large, comme nous, on a peut-être pris un peu restreint et c'est compliqué après d'en sortir, même si c'est pas non plus hyper important, il faut juste que ta première activité soit vraiment dans tes statuts. Après, si tu as une seconde activité qui te rapporte moins, c'est pas très grave. Mais voilà, le mieux, c'est d'avoir toujours sa première activité qui est au moins mise dans les statuts. C'est assez important. C'est même obligatoire. Ouais, voilà. Mais ça, Voilà, on en parlera dans les sociétés quand on y Après, sera. voilà, quand tu as le statut auto-entrepreneur, tu as aussi toute un petit côté gestion comptable à gérer. C'est ce qu'on appelle un livre des encaissements, un peu. Et c'est là où tu dois vraiment spécifier tous tes encaissements et même toutes tes charges. Ça, on t'en parlera certainement dans un autre podcast. Ouais, bah tiens, justement, vu que tu parles de la comptabilité, passons un peu, parlons de la comptabilité quand t'es Auto-entrepreneur. auto-entrepreneur. Voilà. Bon, tu bénéficies d'un régime simplifié qui est assez simple, quoi. Il n'y a pas de bilan, pas d'enregistrement comptable, juste un livre de recettes, une liste de dépenses. Et encore, la liste de dépenses n'est pas obligatoire que quand tu fais une activité vraiment de commerce. Et après. Voilà, la seule obligation qui est mal faite par les autres entrepreneurs, parce qu'ils sont très mal formés en général, c'est les factures. Et moi, j'avais vu un petit témoignage il y a 1 ou 2 semaines qui datait d'assez longtemps, mais qui prouve bien que c'est un problème. C'est qu'il n'avait pas marqué, enfin, déjà, il ne savait pas qu'il fallait faire des factures à chaque vente. Et aussi, il regroupait toutes ses ventes, par exemple, de la journée, en une seule ligne, alors qu'il faut détailler chaque vente. Il faut surtout pas en oublier une et pas regrouper toutes les ventes de ta journée. C'est des grosses Et erreurs donc, et au moment du coup. Ouais, ça, c'est une grosse erreur, ça. Mais justement, tu vois, il disait, dès que l'URSSAF m'est tombé dessus, donc contrôle de l'URSSAF, bah là, ça fait très mal parce qu'aucune facture n'était là pour justifier. Il n'avait pas mis les bonnes mentions dans les factures qu'il je crois avait. qu'on a vu le même L'étiquette de caisse, truc. c'est pas là. Et du coup, ouais, il s'est Ah ouais, t'as vu une pareille? fait il s'est fait Allez. démonter par l'URSSAF. Du coup, il a eu double sanction, quoi, parce qu'il a eu l'URSSAF qui lui est tombée sur le nez après un contrôle. Forcément, il devait payer l'URSSAF plus ses autres cotisations et impôts. Donc, autant dire que là, c'est pourtant con, hein, mais si tu spécifies pas tout, tu fais pas attention à toutes tes factures et que tu ne tiens pas au minimum ton livre des recettes encaissées, ligne par ligne, bah là, tu te fais aligner, quoi. Et là, dès que tu te fais contrôler par l'URSSAF, tu es démonté. Alors là, c'est sûr. Ouais. Attention, en général, ils ne ratent pas. Ils ne ratent pas parce que. Bon, ce qui est bien, c'est que. Enfin, ce qui est quand même assez fou, c'est que pour te demander de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais pour l'inverse, quand tu leur demandes des trucs, c'est plutôt compliqué. Mais bon, C'est c'est. une toute autre question. Hein. Oui, ça, c'est les joies du système français. Parlons de l'impôt sur la TVA. Alors, la TVA, tu sais que voilà, toutes les entreprises, normalement, sont soumises à la TVA, doivent faire facturer leur TVA à leurs clients. Et quand tu es au statut entrepreneur, tu bénéficies de la franchise de base en TVA. Alors, tu peux en faire la demande pour être soumis à la TVA. Le seul cas où ça serait intéressant vraiment d'être soumis à la TVA, c'est quand tu as vraiment beaucoup de charges à faire, tu as vraiment des gros investissements. Ici, si c'est vraiment le cas, je te conseillerais même pas de prendre un auto-entrepreneur parce que tu vas te griller dessus, mais on en parlera dans les inconvénients justement. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment pas mal parce que tu peux augmenter ton chiffre d'affaires de 20% justement, parce que tu vois, par rapport à d'autres clients déjà, par rapport à d'autres entreprises, tu pourras baisser ton chiffre d'affaires 20%, ou tu peux même t'aligner et gagner 20% de plus qu'eux ils font. Donc c'est quand même très important, surtout que ça peut faire une bonne marge à la fin. Et c'est vraiment un avantage, c'est pour ça que beaucoup décrit le statut d'auto-entrepreneur, parce que la TVA est quand même assez lourde pour les entreprises, surtout les entreprises qui ont plus de TVA déductible que collectée. Donc voilà. Mais c'est vraiment très intéressant, surtout si tu es un web entrepreneur et que tu n'as pas beaucoup de charges, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter là-dessus? Bah, On parler peut-être de l'impôt, hein, parce que c'est comme tu l'as Ouais. dit, c'est pas forcément tout rose. Et comme on te l'a dit un petit peu plus tôt dans le podcast, et comme Vincent te l'a très bien expliqué, c'est que tu es imposé en fait sur tes résultats. Du coup, tu n'as pas forcément le choix là-dessus. Donc concrètement, tu fais un très bon résultat. Tu vas payer non seulement un impôt donc sur un peu ta petite auto-entreprise, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, tu seras encore imposé à côté sur tes revenus si tu te rémunères relativement bien. Donc du coup, tu auras aussi double sanction, et ça, faut faire aussi très attention. Et ça, c'est aussi l'un des avantages que tu peux avoir en ayant une société, et c'est aussi pour ça que nous, on a créé une société, on t'expliquera plus tard. Donc ça, pour moi, c'est un inconvénient parce que souvent on l'oublie, mais ce qu'il y a, c'est que tu es imposé sur tes résultats. Ça, faut surtout pas que tu l'oublies, parce que si tu te reverses tout, ben après, tu as aussi à payer tes impôts sur le revenu à la fin de l'année. Donc ça, à faire très attention et à bien gérer. C'est surtout aussi, enfin, pour ajouter à ce que tu dis, c'est que ça va réduire considérablement ta marge. Parce qu'il faut oublier que le, faut pas oublier que le CA, c'est ton chiffre d'affaires moins, enfin, c'est ton chiffre d'affaires, mais tu as aussi à l'intérieur, tu as tes charges. Et donc, tes charges, plus tu as en gros payé 20% sur tes charges d'un côté et 20% sur ton, sur tes bénéfices. Et donc, plus tu auras de charges et moins ça sera avantageux pour toi. Parce que tu auras une marge très faible. Et donc, si tu dégages vraiment une faible marge, c'est pas du tout intéressant de prendre de prendre le statut d'entrepreneur. Ça va considérablement. Enfin, tu vas rien gagner quoi à la fin. Tu vas vraiment rien gagner et tu vas même peut-être en perdre de l'argent quoi. Donc, il faut absolument, si tu es vraiment un commerce avec un bail enfin, un bail commercial, si tu as un local, ne prends pas le statut d'entrepreneur. Tu vas te brûler. Même si c'est très simple, certes, mais ça va pas le faire parce que bah, tu as trop de charges. Mais après, Le fait d'avoir trop de charges, tu vas devoir prendre. voilà, pour ceux qui Oui. veulent, par exemple, être freelance ou vraiment être web Ouais. entrepreneur, tout ce qui est un peu métier du digital, j'ai envie de dire, c'est relativement avantageux. Ça, c'est indéniable. Donc après, en plus de ça, le plafond auto-entrepreneur a augmenté. Donc si tu fais du très bon chiffre d'affaires, là, ton plafond, il est augmenté. Donc tu peux encore mettre un petit coup de boost pour augmenter ton résultat net de fin d'année. Donc, c'est plutôt cool, ça. Ouais, le plafond il est pas, il va passer à 170 000 pour les commerces et les services 70 000. Donc, enfin, à doubler. Il aura doublé du coup. Et ça, Donc c'est voilà, pas donc c'est pour oublié. ça. Ouais, C'est à ne pas oublier. ça c'est vraiment pas oublié. Mais il faut faire attention parce que aussi ça peut te brider. Ça peut avoir un effet pervers et ça peut te brider dans le sens où tu vas pas y aller à fond dans ton entreprise et tu vas justement tout faire pour pas dépasser ce plafond, même si maintenant ce plafond est assez avantageux. Mais on te rappelle quand même. Être imposé quand même sur le CA est moins avantageux que si tu t'imposes sur la Sur le revenu. rémunération. Donc, il faut aussi se dire que bon, c'est bien auto-entrepreneur, mais sur le long terme, si tu veux vraiment gagner bien ta vie, le mieux sera de passer à la société. Si tu as l'occasion de passer en société, passe à la société. Mais ouais, Mais après, après voilà, voilà, tout dépend. si tu débutes, que tu as aussi envie de bah voilà de tester ton idée, mais il faut quand même que tu sois sûr de toi, parce que ça sert à rien de créer une auto-entreprise si tu t'as pas envie de t'investir dedans. Ça serait complètement débile de ta part. Mais si tu t'investis dans ton auto-entreprise et que tu vois que ça génère de plus en plus de chiffre d'affaires, encore et encore et encore et encore, au bout d'un moment, pose-toi la question s'il faut vraiment que tu va dire créer va dire une société, que tu te mettes en statut de société et que tu regardes vraiment les pour et les contre. Mais justement, ça, on te guidera de ce côté-là. Ouais. Moi j'avais trouvé un autre chiffre qui était assez intéressant pour montrer que, tu vois, on t'a dit quand même le statut d'entrepreneur est vachement simple. Et pourtant, plus de 70% des auto-entrepreneurs échouent, n'arrivent pas à se faire à dégager une Ah oui, rémunération. non, mais est-ce que c'est con? C'est quand Moi, même. j'étais tombé aussi sur un chiffre. La rémunération des auto-entrepreneurs, elle est de 12 500 euros. Alors ça, c'est dû à un autre problème. Mais enfin, ce qu'il y a, c'est que c'est dû aussi à une bonne gestion. C'est dû aussi à tout plein d'autres critères. Et c'est ça, je veux pas te spoiler, mais on t'en parlera dans le podcast, dans les autres épisodes. Ouais. Ouais, on te parlera vraiment, on va t'accompagner dans tous ces épisodes de podcast de A à Z. Vraiment, là, on est dans la création, on va être dans la création pendant un moment sur comment aborder peut-être un business plan. On va aborder business plan, on va te dire pourquoi il faut se lancer en 2017. Il y a plein de points qu'on va aborder. Après, on va essayer d'aborder plutôt l'aspect maintenant gestion. Dès que tu t'es lancé, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Et après, on abordera comment gérer le succès. Comment on gère le succès, parce que c'est pas toujours évident de gérer un succès, surtout quand il va très vite. Et ça peut aller très vite. Effectivement. Du coup, parlons maintenant des Et sociétés. ça, Et après nous, on les va verres. plus particulièrement parler des SARL. Ah ouais, c'est pour ça que là, on peut vraiment parler en tant que spécialiste, même si on connaît bien le statut d'auto-entrepreneur, parce qu'on s'est longtemps plongé dessus. Mais les SARL, c'est Enfin, c'est notre statut, donc du coup, là, on va vraiment pouvoir te dire nos astuces. Donc du coup, Alors, concrètement, les qu'est-ce que c'est qu'une sociétés. société? Dis-nous, Vincent. Une société, contrairement à l'auto-entrepreneur, tu as ton patrimoine personnel et ceux de l'entreprise qui sont totalement mélangés. Et dans une société, c'est séparé, tu as la personne physique qui est toi et la personne morale qui est l'entreprise. Voilà. Donc déjà, L'entreprise. le patrimoine est vraiment séparé. Même si en auto-entrepreneur, on peut faire des mesures pour se protéger, mais celui qui protège le mieux quand même la personne, c'est les sociétés, et notamment les SARL. La SARL, le seul inconvénient de la SARL quand tu vas débuter, c'est qu'il va falloir amener un capital. Mais comme tu es un web entrepreneur, parce que vraiment ce podcast s'adresse vraiment aux web entrepreneurs, et ben tu vas pouvoir mettre un petit montant. Nous, on a failli mettre 1 euro. On t'avoue qu'on a failli mettre 1 euro parce que le montant minimum était 1 centime. On a failli mettre ça, on s'est un peu ravisé parce que bon, on s'est dit, est-ce que ça va le faire? On s'est dit si jamais, c'est pas forcément si ça allait le faire, mais on s'est dit si on a Ouais. des investissements à faire plus tard ou quoi, si les banques vont voir que les guignols ils ont 1 € de capital, ça va pas être forcément crédible. Donc là, après, nous on l'a mis après à 100 €. Tu peux toujours le changer, tu peux toujours l'augmenter. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, nous on l'a mis à 100 €, c'est à titre indicatif. C'est vraiment histoire que pour plus tard, si jamais on a des investissements à faire, on voit sur le long terme, nous, hein, sur notre société. C'est aussi pour ça qu'on a pris une SARL et qu'on a fait beaucoup de choix, qu'on a vraiment mûri nos choix, on va dire, au niveau de la création d'entreprise. Entre autres, les 100 euros. Donc, si jamais on a un investissement à faire, qu'on veut créer quelque chose de tout nouveau, etc., on saura que voilà, on a déjà un capital qu'on pourra puiser dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que là, tu n'as vraiment pas de limitation parce que le statut entrepreneur va quand même, à un bout d'un moment, il va falloir que tu changes. Et changer quand même, changer de statut, c'est pas toujours évident. Alors que là, vraiment, tu n'as pas de limite de CA. Et tu peux vraiment aller à fond dans ton entreprise. Tu n'as pas de bridé. Tu n'as vraiment pas de bridé. Tu peux y aller vraiment très à fond. Et ça, c'est déjà bien. Et surtout que tu n'es pas. Tu peux faire des petites astuces parce que tu peux te dire, ouais, ton CA, on te taxe quand même avec l'impôt des sociétés. Donc là, qui est pour l'instant de 35%, 30, oui, 30%, 35%, je sais Ouais, c'est aux alentours de plus. Ouais, c'est 30-35%. ça. Et du coup, tu peux faire des petites astuces pour vraiment réduire cet impôt-là si il t'embête. Parce que c'est vrai qu'en société, on va y venir, mais tu as beaucoup, beaucoup d'impôts. Et c'est vrai que tu peux te dire, bon. Ça va me coûter très cher, bien plus cher qu'une auto-entreprise. Alors, c'est pas tout à fait vrai. J'ai vu une étude, une étude, oui, c'était une étude, d'un cabinet comptable qui comparait auto-entreprise et comment ça, on appelle ça, auto et société, voilà, et qui montrait qu'à partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires, une auto-entreprise était beaucoup moins avantageuse que le statut auto-entrepreneur, et tu gagnais plus en étant en société qu'en auto-entrepreneur. Parce que tu peux faire passer plein de choses dans tes dépenses, tu peux aussi déduire la TVA, parce que quand tu achètes quelque chose, tu peux la déduire, ça coûte déjà moins cher. Donc c'est vraiment très intéressant de prendre une société. C'est très avantageux. Ouais. Voilà, une société, c'est les principaux avantages. C'est que tu peux vraiment gérer ta trésorerie, tu peux vraiment gérer tout ce qui est fonds de roulement, etc. En gros, tout ton business, tu peux vraiment le gérer et faire en sorte de payer le moins d'impôts, le moins d'IS possible, le moins d'impôts sur les sociétés possible. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, tu peux même aussi choisir si tu veux te faire. Tu veux payer l'IS, l'IR, enfin bref, tu as plein de choix possibles pour que tu puisses vraiment payer le moins d'impôts. Et ça, c'est l'un des avantages majeurs de créer une société. Parce que bon, certes, tu as le RSI, mais ce qu'il y a, c'est que tu as aussi tout ce qui est impôts divers. Là, tu peux être vraiment maître de ce que tu vas payer. Et ça, c'est indéniable. Là, tiens, C'est vraiment quelque chose. vu que tu parles du RSI, parlons-en. Est-ce que tu le mettrais dans un avantage ou un inconvénient? Moi, je pense que Le RSI en tant que société. Ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est que pour moi, le RSI, ça plombe quand même sur les 2 premières années. Donc, Ouais. si, Là. si tu fais pas de réels résultats, c'est clair que ça te fout dans une mer de Ah noir. bon, ouais. Et ça peut faire peur. Nous, ça nous a fait peur, hein. Ça nous a freiné, mais on s'est dit, voilà, si on le fait pas, on aura des regrets toute notre vie. Donc, on s'est lancé. Mais après, voilà, c'est un des risques quand tu crées ta société, c'est que tu as des impôts, tu as le RSI, et puis on a quand même. Qu'on a combien à payer là? Bah voilà, sur internet tu vas pas trouver un montant réel, enfin tu pourras trouver des pistes, mais nous on va te dire vraiment pour l'année 2018 au moins combien tu risques de payer si tu te lances là à l'heure actuelle. Tu risques de payer 3000 euros Ouais, et ouais, 3 100 3100 euros. euros et c'est chacun. Donc généralement en SARL t'es plusieurs, donc il faut bien prendre en compte que c'est une dette personnelle déjà qui est même pas liée à l'entreprise, donc il faut se dire que ça te court au cul, mais c'est comme les autres entrepreneurs, donc peu importe que tu sois en société ou machin, c'est vraiment une dette personnelle et t'as beau fermer ton entreprise, tu dois quand même les sous, donc faut pas chercher. Mais après il y a des régulations, Ouais. comme on disait, si tu te rémunères Bah, pas. en fait, au bout de la Ouais. 3e année, si tu te rémunères pas, ou alors que tu n'as pas généré un chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, enfin bref, si tu. En tout cas, nous, dans notre cas, en tant que SARL, on a fait le choix aussi de mettre le RSI sur notre rémunération. Ça, c'est un des avantages aussi majeurs de créer une société, c'est que tu peux choisir de mettre le RSI soit sur ton résultat d'entreprise, soit sur ta rémunération. Nous, on l'a fait sur notre rémunération. Donc concrètement, là, on fait exprès de pas se rémunérer pour qu'après, bah, on ait justement la régularisation plus tard. Donc là, les 2 premières années, on paye plein pot, on paye le forfait, ça fait mal au cul, ça nous en fait même un deuxième. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'il y a, c'est qu'après, voilà, on aura une régule et on va tout faire pour vraiment justifier qu'on ne se rémunère pas. Et donc, du coup, après, on aura les régules, on se fera en quelque sorte rembourser au bout de la 3e année. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est sûr que ben, si tu n'as pas forcément les fonds, que tu ne fais pas forcément de résultats, ben, là, ça te fout dans une mer de Ouais, parce noir. que tu peux Mais payer avec bon, la société, donc après. si tu gagnes voilà, des sous, enfin s'il y a des sous sur le compte de ton entreprise, tu peux payer avec le compte de l'entreprise sans te rémunérer, donc c'est vraiment très avantageux. Après, il faut savoir que le pourcentage qu'ils vont te prendre sur ta rémunération, c'est presque 50%, c'est 47%. C'est vrai que c'est conséquent, quoi. C'est un indicateur aussi à pas oublier quand tu le jour où tu veux te rémunérer De pas tout dépenser. quand t'as une société et de ouais voilà de pas tout dépenser et donc du coup tu sais admettons que tu te prends 2000 boules par mois bah tu sais que tu vas devoir en mettre 1000 de côté parce que tu as le RSI qui va te tomber au cul à la fin de l'année ou alors tous les mois du coup, voilà. Et puis c'est pareil aussi pour tout ce qui est RSI, etc. Il faut surtout pas que tu oublies de mettre comment tu te rémunères, etc. sur le site du RSI, parce que sinon, là, c'est pareil, si tu te fais contrôler, t'es dans la merde. Donc, à surtout pas oublier de vraiment, pas en quelque sorte te régulariser, mais vraiment tous les mois faire le petit point sur ta rémunération. Parce que bon, on parle souvent de créer la société, créer son entreprise, etc. Mais il y a tous les mois, tu auras toujours quelque chose à faire, surtout si tu te rémunères, quoi. Donc ça, il faut faire très attention. Ouais, mais justement le RSI, enfin si je me trompe pas, en tout cas en société, contrairement aux entrepreneurs, il est payé dès que tu es dans une activité normale, que tu as atteint que tu es plus dans le forfait, c'est payé sur tes rémunérations de N-2 ou N-1, mais je crois que c'est N-2. C'est pour Ouais, ça qu'il faut attendre 2 ans. ils te font un prorata en fait. Ouais. Ils te font un prorata sur les résultats que tu t'es. Enfin sur ta rémunération. Parce qu'il y en a, ils font le choix de payer le RSI sur leur chiffre d'affaires. Donc ça c'est pareil, nous on le conseille pas forcément. Parce que encore une fois, c'est de tirer une balle dans le pied. Donc en gros, si là tu fais vraiment des très bons résultats, que tu te lances tout de suite. Et ben du coup, si tu choisis de mettre le RSI sur ton résultat d'entreprise, ce qu'il y a, c'est que dans 2 ans, enfin, quand tu vas démarrer ta 3e année, et ben ce qu'il y a, c'est que du coup, ça va être Ton RSI sera calculé sur les résultats de ta première année, donc là, tu risques encore de payer plein pot, quoi. Alors que tu as déjà payé plein pot les deux premières années. Donc c'est aussi pour ça que nous, on a fait le choix de le mettre sur notre rémunération et de ne pas se rémunérer Surtout volontairement. qu'il ne faut pas oublier que dans un prix de vente, dans ce que tu as à vendre, bah voilà, ça va réduire tes marges parce que dedans, dans ton prix de vente, tu as tes charges. Et si tu fais ça, bah le RSI va prendre une grosse partie de tes charges et tu vas réduire ta marge. Et le but n'est pas de réduire ta marge, mais plutôt de l'augmenter, de l'avoir au maximum. Donc vraiment, ne fais pas, ne prends pas ça, sauf si vraiment tu es peut-être une entreprise de luxe, tu fais vraiment des produits avec une énorme marge. Mais voilà, il faut faire très attention et voir cas par cas. Ça peut être intéressant, faut voir vraiment cas par cas et pas réfléchir bien dessus. Nous, on a pris au moins 2 à 3 semaines, je pense, de réflexion. Je ne me rappelle plus exactement, mais par là pour se lancer. On a réfléchi pendant un bon moment aussi, même sur le statut. Ça, on t'en parlera. Il y a plusieurs statuts et ça, c'est légitime de se poser la question. Nous, en plus, voilà, on est deux. On tenait vraiment à créer l'entreprise à deux et pas de se mettre en auto-entrepreneur chacun de notre côté. Parce qu'on voulait vraiment créer un écosystème qui nous correspondait. Certes, on peut penser qu'on a des activités l'un à côté de l'autre, mais ce qu'il y a, c'est que c'est relativement complémentaire. Et là, tu vois, dans ce podcast-là, on compile nos compétences, et donc du coup, c'est celle qui est relativement cool, quoi. Pour Mais ce qu'il y a, finir, c'est que du coup, la question du statut, justement, quel statut choisir? Bah là, du coup, nous, on t'a beaucoup parlé de la SARL, mais après, tu as tout ce qui est SAS, SASU. et ça. Donc voilà. Ici, il faut vraiment que tu prennes en compte le nombre de personnes que vous êtes, etc., etc. Nous, très clairement, on a choisi la SARL parce que ça nous permettait d'avoir bien plus de liberté que, par exemple, une SAS où tu as un président et après tu as une autre personne en dessous. Alors que nous, en fait, on était deux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a le même statut dans l'entreprise. On est co-gérant, tu vois, on est associé et il n'y a pas un président et l'autre qui va être directeur général de l'entreprise. Ça, on ne voulait pas ça. Après, c'est notre vision des choses. Mais après, en SAS, voilà, faut savoir que tu as un président et après, tu as d'autres statuts, surtout si vous êtes plusieurs à créer la société. Et donc du coup, qu'est-ce que tu choisirais entre auto-entrepreneur et donc en société? Toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour Parce par que exemple c'était. déjà le cas, la personne seule en tant que web ou entrepreneur? Est-ce que tu lui conseilles auto-entrepreneur ou alors donc du coup s'il est tout seul, ce sera en SASU? Quel est le statut que tu lui conseilles vraiment? Alors, moi, je conseillerais déjà de démarrer en tant qu'auto-entrepreneur puisque ça te demande beaucoup moins de fonds, en fait, quand tu vas démarrer. Donc ça, c'est un des avantages, même si tu es prestataire de services digital, tu vois, que tu es CM, tu es community manager, tu es graphiste ou quoi que ce soit. C'est relativement cool de faire ça en tant qu'auto-entrepreneur. Après, évidemment, ce qu'il y a, c'est que c'est un statut je mets bien des très grosses guillemets. Parce que souvent on dit que c'est relativement sécuritaire et que ça te permet de tester tes idées, sauf que si tu veux tester tes idées, bah, tu les testes sans forcément essayer d'avoir une rémunération. Mais ce qu'il y a, c'est que là, si tu crées une entreprise ou quoi, si tu te lances dans un statut d'auto-entrepreneur, bon, les avantages, c'est que tu auras beaucoup moins de fonds à mettre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment pas que tu oublies beaucoup de critères. Après, ce qu'il y a, c'est que SASU représente quand même de beaux avantages, puisque tu peux quand même gérer ton patrimoine, etc., et vraiment le dissocier de ton entreprise. Donc moi, après, très personnellement, l'auto-entrepreneur a ses avantages, ses inconvénients, et SASU aussi. Après, c'est vraiment la personne en question, c'est si toi qui nous écoutes, là, tu veux te lancer. C'est est-ce que tu veux te lancer juste pour le fun ou est-ce que tu veux vraiment vivre de ton truc? Si tu veux vraiment vivre de ton truc, je te conseille pas de faire auto-entrepreneur, mais plutôt SASU parce qu'au moins tu pourras dissocier ton patrimoine personnel et professionnel. Et ça, c'est plutôt cool parce que si tu fais faillite, tu n'auras pas ton patrimoine personnel qui sera engagé. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a créé une société, parce qu'on ne voulait pas que dans notre vie perso, ça nous foute en l'air ou quoi que ce soit. Donc après, moi, si je devrais me lancer seul, ça serait SASU. D'accord, Et toi? intéressant. Alors moi, je conseillerais auto-entrepreneur, malgré que Voilà, il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans ce statut, mais au vu de ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression qu'on veut favoriser beaucoup les auto-entrepreneurs et que c'est le moment de se lancer parce que il y a vraiment une volonté du Ah oui. gouvernement de rendre de plus en plus simple ce statut. À ce que j'ai vu au niveau de ce que de ce que le gouvernement prévoit pour les auto-entrepreneurs dans les quelques années qui vont venir, là, dans les 2-3 ans, peut-être même l'année prochaine, c'est déjà au cas où que, enfin, je parle pas pour tout le monde, mais au niveau des congés maternité qui sont pour l'instant que de 11 jours, j'ai vu qu'ils risquent d'être plus doublés, voire peut-être triplés, peut-être que même ça sera pareil que dans le même régime. Enfin, il va y avoir des évolutions là-dessus. J'ai vu des évolutions aussi sur la simplification encore de la paperasse, de tout ce qui est administratif. Il va y avoir, je ne sais plus encore quoi, enfin, j'ai vu 2-3 petites règles que je mettrai peut-être en description du podcast qui devraient. Enfin, après, il faut voir ce qu'ils vont faire dans les faits, mais il y a quand même beaucoup. Enfin, le futur s'annonce très bien pour les auto-entrepreneurs. Pour les sociétés, on a l'air de beaucoup moins s'en occuper pour l'instant. Je ne sais pas si ça va durer comme ça, mais au niveau des volontés, c'est vraiment sur les auto-entrepreneurs. Et je pense que tout seul, c'est quand même mieux, même si effectivement, il y a quand même plus de sécurité au niveau de la SASU. Mais voilà. Tout seul, je conseillerais quand même moi, auto-entrepreneur. Ouais, tout seul. Surtout si t'es pas sûr. Surtout si tu as des doutes sur ce que tu vas faire. Surtout si tu te connais pas trop. Si tu fais ça juste pour revoir ce que ça donne. Si tu fais ça aussi en complément de revenu d'une autre activité. Pareil, fais Ouais, ça. ça c'est une chose à pas oublier parce qu'il y en a, il y a beaucoup de personnes qui créent leur petite Ouais. entreprise à côté. Alors si c'est vraiment un complément de revenu, là t'as même pas de question à te poser, c'est auto-entrepreneur direct. Par contre, si tu veux vraiment vivre, par exemple, de ton contenu ou de tes prestations de service, même de ton peut-être de ton site e-commerce, que tu veux investir tes journées entières à ça, que tu veux vraiment gérer ton business de A à Z, etc. Là, c'est sûr que tu as déjà une vision plus long-termiste et donc forcément, auto-entrepreneur, au bout d'un moment, tu seras bloqué. Donc c'est là où le choix de ton statut, surtout en création de société, ça sera très important. Et donc du coup, si tu es seul, SASU, ça c'est quand même, à ne pas... Et pour finir, si on prend le cas de deux personnes, bien sûr, ce sera société, ça la question ne se pose pas. Mais est-ce que tu conseilles SARL comme nous on a fait, ou est-ce que tu conseillerais éventuellement un autre statut? Tout en prenant qu'il est web Alors, si c'est des entrepreneur, actes. tout en. Tout, enfin, qu'il soit Ouais, internet, parce que quoi. là, du coup, j'allais partir Ah. sur tout ce qui est SNC ou quoi que Ouais, ce mais vas-y, soit. hein, Donc, si tu as des si trucs à c'est des activités. préciser. Si c'est des activités libérales, tu vois, bah, ça sera ni SAS, ni SARL, ça sera une SNC. Donc, ça, c'est une toute autre société. C'est une société vraiment dite de travail libéral. Donc là, après, on s'adresse un petit peu plus à des personnes qui veulent vivre sur Internet ou de prestations digitales. Donc là, forcément, bah, tu vois, si t'es deux, si vous êtes deux et que vous voulez vraiment avoir le même statut dans l'entreprise ou même trois, bah, ce cas, c'est très sincèrement, nous, ça a été notre choix. On voulait pas dissocier l'un ou l'autre. On voulait pas mettre plus de responsabilités sur l'un ou l'autre. Donc du coup, on a mis notre choix. Notre choix, c'est plus dirigé vers SARL. Après, il y a quand même beaucoup de points communs entre SAS et SARL, sauf que il y a au bout d'un moment où tu vois que bah, il y a des assemblées à faire, etc. en SAS, alors qu'en SARL, après, surtout quand tu es co-gérant, bah, tu as beaucoup plus de liberté dans ta gestion d'entreprise. Après, bah, voilà, c'est SAS, si vous êtes deux ou trois, mais que vous voulez, il y en a un qui va s'investir beaucoup plus que les autres et qui est plus susceptible de mieux gérer l'entreprise, bah, ça sera forcément de manière plus évidente la personne qui sera présidente de l'entreprise ou quoi que ce soit. Mais après, concrètement, si vous voulez être tous sur le même piédestal et vraiment gérer de manière un petit peu moins chiante, ça sera peut-être plus SARL. C'est sûr que nous, on a porté notre choix là-dessus. C'est un choix qui nous a. On a énormément pris de temps, on a vraiment mûri notre réflexion. Et si vous êtes deux, que vous voulez être vraiment sur le même piédestal, etc., c'est SARL. Ça, c'est clair, net et précis. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, je conseillerais pas autre chose que SARL. Surtout que c'est le bon plan, vraiment, quand tu commences, tout en essayant de te protéger, parce que la SAS, oui, SAS, c'est quand même moins protectrice, voilà. Pardon. C'est un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. C'est plus pour les grosses structures. C'était plutôt une petite structure. Les T'as SARL sont plus des adaptés. démarches à faire en Ouais. plus, etc. Donc forcément, ça t'avantage pas dans le sens où si tu veux vraiment pas protéger ton patrimoine perso, c'est sûr que là, ça sera beaucoup moins évident sur une SAS. Ça te demandera un petit peu plus d'investissement et beaucoup plus d'administratif. Alors si tu es comme nous. Alors ça peut te paraître bizarre, hein, on parle d'entreprise, gestion administrative et tout, mais on n'aime pas forcément tout ce qui est paperasse. Et ça, on essaye de gérer ça en priorité pour qu'on soit débarrassé après. Sauf que Et ça s'arrête jamais. justement, pas le faire traîner. Et ça s'arrête jamais, heureusement. Mais en tant que SAS, c'est pire. Voilà. Mais en tant que SARL... Ou même si t'aimes pas forcément la paperasse ou quoi que ce soit, SARL, ça te permet d'avoir un petit peu moins de paperasse que SAS. Voilà. Après, Et là, on va... il y a juste Vas-y. un dernier truc que je voulais ajouter. Il me semble, si je me trompe pas, dans SAS, tu peux être salarié de ta propre entreprise. Et du coup, tu es au Oui, régime c'est vrai. général. Ouais. Je crois que t'es en portage salarial. Ah, je sais plus exactement le nom. Ouais, Ou c'est peut-être alors non, ça. tu peux être dirigeant salarié. Ouais, Voilà, c'est dirigeant ça. salarié. C'est pas un partage salarial. C'est ça. C'est un dirigeant salarié. Mais il Excusez-moi. faut savoir que les cotisations, après, sur le régime général, oui, c'est ça, seront plus élevées que le RSI. Alors, déjà que le RSI, c'est élevé, mais alors là, c'est plus élevé. C'est à 54%, il me semble. C'est ça aussi qui nous avait un peu rebuté. Sauf que, par contre, tu ne payes pas si tu ne fais aucun revenu. Enfin, voilà, c'est un peu comme les autres entrepreneurs, tu payes rien, tu n'as pas de forfait. Donc, c'est quand même plus sécurisant peut-être d'un côté, mais de l'autre, tu vas beaucoup, C'est beaucoup payer. plus sécurisant en fait sur tout ce qui est impôt, mais après voilà, ça dépend de tes revenus, de ce que tu comptes te reverser, etc. Enfin, moi, Après, ça me ferait mal de qu'on m'enlève déjà 54%. Déjà que 47, ça me fait très mal. Mais 54, c'est... ah, ce qu'il y a, Voilà. c'est que à partir d'un moment où les pourcentages, tu les comptes, hein, Ouais, j'avoue. Bon, après, c'est une nouvelle qui, pour l'instant, est valable aujourd'hui, mais qui ne sera pas valable demain. Parce que, comme tu vois, ça va changer tous ces trucs. Hein. Mais on en Ouais, faut parlera plus apprendre. tard. Ouais, on fera Et ça du parce que... coup, on aimerait quand même terminer par te donner des bons plans Ouais. pour créer ton entreprise. Donc, Vincent, bon, va t'en dire une et je t'en dirai une aussi après. Moi, je voulais commencer. Enfin, moi, je voulais parler de Legal Start. C'est ce qu'on a pris pour créer notre société, parce qu'en fait, c'est une société qui s'occupe de la création d'entreprise. Il y a des avocats, il y a des avocats et T'as des tout. Ouais, des juristes, juristes, voilà. des experts comptables, C'est ça, etc. voilà, c'est vraiment très complet et c'est eux qui s'occupent par exemple de toutes les formalités parce que quand tu crées une entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller au tribunal du commerce, remettre tout un tas de papiers, notamment si t'es une Ouais, SARL, faire des forcément. statuts, etc. Tout plein de choses. Alors, Et... t'as tout ce qui est greffe, faut que tu fasses passer en fait tous tes papiers par tout un tas d'organismes, et ça en fait c'est extrêmement complexe, la mise en relation est relativement complexe, et si tu gères ça en fait tu as des chances que en fait ta création de société elle soit pas forcément acceptée. Alors qu'en passant par Legal Start, justement nous on s'est mis un peu toutes les chances de notre côté, d'autant plus que vu que nous on n'aime pas forcément les papiers, on savait qu'au moins on donnait en quelque sorte la création de l'entreprise entre les mains d'experts, qu'on savait exactement comment ils allaient procéder, etc. Et on savait que ça allait être accepté. Là, on n'avait aucun doute parce que justement, c'est une société qui te permet de créer ton entreprise relativement rapidement. Tu as juste à remplir des papiers, etc. Enfin, En 10 c'est minutes, tout c'est fait. sur Hein. Internet. En 10-15 minutes, quoi. C'est ça qui est relativement cool. Après, ce qu'il y a, c'est que si tu as des problèmes avec ta banque, comme nous, on a eu, où ils n'étaient pas très Ça, je pense cool. qu'on y reviendrait, hein, parce que ça mérite de Ouais, faire l'objet d'un ça podcast. mérite un podcast Ouais, entier. ouais. Mais enfin bon, voilà, si tu connais d'autres problèmes ou alors que tu n'as pas encore eu ta banque ou quoi que ce soit, c'est sûr que la démarche sera bien plus longue parce qu'en fait, Legal Start va engager les démarches une fois que tout ton dossier sera prêt. Et après, en fait, t'as pas à taper tout ton statut, etc. En fait, tu perds juste en quelque sorte 10 minutes de ton temps. Et tu as des experts vraiment dédiés, des juristes, etc., qui te permettent vraiment de créer ton entreprise. Mais après, c'est toi qui fais tous les choix en amont et tout ce qui est, par exemple, choix de la société, auto-entrepreneur, etc., etc. Là, ils font vraiment tous les La statuts. Hein. banque, Il faut vraiment tous les ouais. statuts. Hein, donc, Mais ce qu'il y a, c'est que après, voilà, c'est ce site-là, en fait, qui va te créer tes statuts et se charger de tout donner au greffe, au tribunal de commerce, aux organismes de RSI, etc. Enfin bref, voilà, voilà, c'est un peu plus c'est vraiment. cher, mais encore que souvent, ce qu'ils Encore font que, les ouais. créateurs d'entreprises, parce qu'ils vont voir des avocats en général ou des experts-comptables, qui les facturent quand même assez cher. Et je pense qu'à la C'est fin, assez cher, ouais. ça revient à peu près pareil, voire même peut-être moins cher. Sauf si tu le fais tout seul. Là, c'est la seule solution où ça te reviendra moins cher. Mais tout seul, il faut Ouais, mais ce vraiment qu'il y a, c'est connaître. Hein. qu'après, ouais, Il faut vraiment être faut sûr parce vraiment que tu que. sois expert. Ouais, parce qu'il faut repayer quand tu resoumets un nouveau dossier qui a été refusé, il faut repayer les 198 euros du greffe et ça fait quand même assez mal, je pense. Ouais. Parce que ce qu'il faut dire aussi dans un inconvénient d'une société, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de frais quand même de création d'entreprise qui coûtent assez cher. Alors quand tu es entrepreneur, tu n'as besoin de rien, tu n'as même pas besoin de capital, tu n'as pas besoin de. Enfin voilà, ça va très vite et c'est très simple. On va être très transparent avec toi. Nous, quand on a créé notre société, ça nous a coûté entre 500 et 550, je 600 crois. euros. Ouais, Ouais, 550. 550. J'allais dire ça, mais je sais plus exactement, mais Donc bon, c'est pas. voilà, ça nous a coûté ça. Bon, après, c'est pas une somme Mais tu comptes avec le capital ou phénoménale, juste mais. ce nous avait facturé Legal Start? Non, juste que Legal Start nous a Ouais, facturé. donc tu as plus le capital, ça fait quand même pas mal. Voilà, ça fait quand même une bonne somme, 700 euros. C'est vrai qu'il faut être sûr de son coup. Hein. C'est pour ça qu'on en parlera dans un prochain podcast, pourquoi il faut se lancer et il faut avoir notamment un peu le goût du risque, mais on t'en parlera. Vas-y, présente-nous Et ton. donc du coup, alors bah moi ce qu'il y a c'est que étant donné que c'est moi qui gère un peu tout ce qui est comptabilité, etc., au sein de notre petite société, Ouais. et ben on a fait le choix de quand même avoir un expert comptable. Mais ce qu'il y a c'est que vu que nous on aime bien avoir une liberté d'action et de ne pas avoir à donner des papiers, etc., dématérialisés, en fait on passe par un compte qui s'appelle sacompte-pour-moi.fr, il me semble, ou .com, je sais plus. Mais en fait, c'est Non, sacompte pour moi. Du coup, on a choisi une formule qui nous correspondait bien. Donc, on a un expert comptable et on a un comptable qui nous est complètement dédié. Donc, nous, après, on fait notre compta. Donc, moi, j'affecte les opérations, je mets à quel compte, etc., ça va, etc. Enfin, blablabla. Je vais pas te faire tout Ouais, ça le marche avec ta speech de banque en la gros. compta. Mais en fait, c'est que voilà, ça s'appelle un rapprochement bancaire. Et en fait, dès qu'il y a une opération qui se fait sur notre compte bancaire, eh ben, il est affecté directement. Enfin, tu le vois directement après sur le site. Tu as ton espace client, tu peux même mettre toutes tes factures, etc. Enfin, tu as un coffre-fort, ils appellent ça un coffre-fort. Tu peux mettre tes factures, tu peux mettre tu peux tout dématérialiser. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et c'est sécurisé. Donc, en plus de ça, tu as ton comptable, etc. La gestion de ta comptabilité, elle est simplifiée. Tu n'as pas 5 ans à mettre sur ta compta. T'as pas à te mettre pendant 6 heures pour faire ta compta ou toute une journée. Après, ça demande quand même à connaître un petit peu tout ce que tu fais, etc. Ça demande aussi à comprendre aussi le logiciel parce que faut que tu affectes en fait les opérations. Si tu les affectes pas, après ton comptable derrière, il peut pas faire le bon travail. Donc c'est-à-dire qu'il peut pas te faire ton bilan, etc. Donc il peut pas te faire les pièces administratives de fin d'année. Et donc voilà. Donc toi, en fait, tu gères l'affectation en fait de tes opérations, mais c'est relativement simple et c'est pour ça que je voulais t'en parler. C'est un bon plan en fait On est très pour content, hein. Très ouais. content. Nous, on en est très contents. En plus, le comptable, il est vraiment à notre écoute. Dès que tu as Ouais. une question à lui poser, enfin, c'est relativement cool. On n'a eu aucun problème depuis la création de Ouais. l'entreprise. Donc, franchement, c'est pour ça qu'on te conseille. Hein. On n'est pas sponsorisé par ces sites-là ou quoi. Non. Hein. D'autant plus que moi, Legal Start, ils avaient continué à me prélever alors, ça, par contre, c'est un petit point négatif quand même de Legal Start. Bon, ça arrive, mais bon, ça a été réglé relativement rapidement. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que. Chose qu'on a oublié de te dire, quand tu souscris, quand tu passes par Legal Start, après tu as une assistance juridique qui t'est commise d'office et en fait le premier mois il est gratuit. Donc le premier mois était gratuit, après j'ai demandé à ce qu'il soit résilié et moi j'avais pas mal de choses à ce moment-là, je déménageais et tout. Enfin bon, c'est pour te faire une petite parenthèse vie perso. Et donc, du coup, j'avais énormément de frais sur mes déménagements, etc., etc. Et donc, du coup, en fait, les Legal Start continuaient à me prélever, alors que j'avais demandé à Legal Start de résilier justement cette assistance-là, parce qu'on n'en a pas besoin, on a notre comptable et notre expert comptable. Donc, du coup, je vais continuer à me faire prélever pendant 5 mois. Donc, je me suis dit, oula, là, il commence un petit peu à me pomper les nerfs, donc du coup bah, ça a été réglé, mais ce qu'il y a, c'est que bon, ça a été une petite aparté, mais voilà, c'est juste ça quoi. Faut juste que tu Voilà. fasses attention à ton assistance juridique Legal Start. Mais Voilà, sinon voilà, c'est tout. on n'est pas sponsorisé Non. par tout ça, c'est vraiment des bons plans qu'on te donne et c'est de notre vécu, hein. C'est qu'on est très content de ces services-là, de ces sites, ça nous a permis de nous simplifier un peu la vie, de nous concentrer vraiment sur notre cœur de métier, donc Ça. à construire des entreprises, à créer nos produits, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on te conseille Ouais, tu si peux tu dire que c'est veux assez cher. simplifier la vie. Tu peux dire que c'est assez cher, mais pour nous, c'est vraiment un gain de temps super parce qu'il faudrait apprendre un logiciel comptable, il faudrait faire les écritures, passer du temps. Et surtout que nous, on a beau avoir un BTS de compta, mais on peut pas faire les bilans et tout ça parce qu'on n'est pas, il faut être expert pour faire ça. Donc on aurait été obligé de prendre un expert à la fin, de manière, ou un commissaire aux comptes, et on n'aurait Ouais, pas le ça aurait choix, été quoi. même plus cher, quoi. Ouais. Et même Legal Start, par contre, on peut dire ils sont même complets parce qu'ils font aussi ça, ils font aussi les bilans, etc. Ils ont des experts. Donc voilà. Donc tu peux prendre des choses. Il faut voir. Nous, on a vraiment choisi la solution pour vraiment se dégager du temps, être assez tranquille, etc. Et vraiment essayer de faire Parce gérer le que moins possible nous, voilà, d'administration. ce qu'on veut vraiment, c'est se concentrer sur notre cœur de métier, sur notre activité et pas passer à perdre notre temps sur tout ce qui est paperasse, etc. Donc, si tu es un peu comme nous, que tu veux vraiment te concentrer sur ton activité de A à Z, n'hésite pas, hein. Au bout d'un moment, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des fois, il faut déléguer, faut savoir déléguer. Ouais. Et Ça, c'est des toujours fois, un bah, peu ça dur quand on a une peut. entreprise, mais Ouais. c'est important. Ça, c'est Mais important. si tu veux absolument tout gérer, là, tu pourras vraiment pas te dégager de temps, même sur pour ta vie perso. Et je peux te le dire, ça sera très pesant pour toi. Ouais. Surtout que Donc, tu auras bien assez de paperasse à côté. Enfin, t'inquiète pas, bon, tu en auras assez à côté. malgré ça, on en a aussi, hein, de la paperasse à Ben, faire. Donc oui. voilà. Notamment avec une banque très, très compréhensive. Mais ça, Voilà. on en parlera plus tard. Ouais, voilà, c'est la fin du podcast. J'espère qu'il t'a plu. Surtout, n'hésite pas à commenter, à dire ton avis sur comment t'as trouvé ce podcast, si t'a aidé, si te permet d'y voir plus clair. Si toi, tu t'es lancé, t'as le projet de te lancer, peu importe, dis-nous où t'en es, toi. Et puis, dis-nous aussi les sujets que t'aimerais qu'on aborde, parce que nous, on a quelques idées en tête, mais si toi, t'as des idées de sujets, vas-y, donne, on est friand. C'est quand même pour toi qu'on Ouais. fait ce podcast, hein, c'est pour t'aider. Donc si tu as des questions, mais n'hésite surtout pas, n'hésite absolument pas. De ce Voilà. côté-là, on est vraiment à l'écoute et puis on est même friand de tout ça, comme on aime bien dire. Donc du coup, vraiment, n'hésite pas, partage-le aussi à tes amis, peut-être à des personnes qui veulent se lancer. Et puis vraiment, si, enfin, on peut ajouter juste pour finir, on va se faire une petite pub parce que c'est quand même notre podcast. Si tu veux des conseils en communication, etc., tu peux retrouver Alexandre. Il a une page Facebook et aussi un groupe Medium. C'est quoi ton... J'écris beaucoup d'articles sur Medium. Donc moi j'ai ma propre stratégie de com, Comment il hein, s'appelle ton médium? Alors, bon, j'ai donc bah, c'est Alexandre Iulianella, donc ça c'est moi, mais ça on s'en fout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai la publication, ça s'appelle Rentable grâce à Facebook. Donc, du coup, le lien sera certainement dans la description. Ouais, très bien. Donc, du coup, si tu veux jeter un petit coup d'œil, si tu veux savoir comment vraiment optimiser tes chances de réussir sur Internet, n'hésite surtout pas à aller voir. Je t'aide vraiment à construire tout ce qui est stratégie de communication et à vraiment te créer aussi un processus de vente efficace. Donc ça, c'est vraiment pour t'aider à développer un chiffre d'affaires de la meilleure des façons sur Internet. Donc voilà. Et puis après, bah, il y a Vincent qui Ouais, t'aide moi j'ai qui est parti. auto-entrepreneur, donc j'aide les auto-entrepreneurs. J'ai une chaîne YouTube où je vais faire beaucoup de contenu, tout d'abord sur pourquoi se lancer, quel est l'intérêt, et dans la gestion administrative surtout. Et puis j'ai aussi abordé une partie marketing, parce que c'est assez important de savoir doubler son chiffre d'affaires. J'ai remarqué que beaucoup d'auto-entrepreneurs prenaient enfin, le statut d'entrepreneur comme une source de revenus complémentaires. Et moi, je vais t'inciter vraiment, parce que je pense que c'est le futur, et on est tous les deux à penser le futur, qu'il faut lancer son entreprise. Et je vais t'aider à justement à optimiser ton chiffre d'affaires. Mais je t'invite à aller voir ma chaîne YouTube. T'en sauras plus. De toute façon, on va te mettre tous les liens dans la Dans la description. Ne description. t'inquiète surtout pas. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut! Salut.